Donc bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Nathanaël et je vais vous chanter quelques chansons. On commence avec quelque chose d'assez calme. Le tout premier orage qui nous tombe au printemps. Ces grosses gouttes chaudes sont celles des amants qui échangent brûlant leur premier baiser avant de s'en aller sécher leurs vêtements. Le tout premier orage qui nous tombe au printemps, sa mouette revolage est celle des enfants courent insouciants, trébuchant des pavés sur les genoux cornés que pleure leur maman. Le tout premier orage qui nous tombe au printemps tombe sur les chapeaux des amis inventant un monde où la pluie est aimée des parents, des vieux, des commerçants, autant que des amants, des amis, des enfants.